de skill qui lance le son. J'clique, ça part en orbite, t'as joint trop tard, j'suis déjà élite, pas de rêve. J'pose du concret, un stream, un beat, une base à péter. Là où tu phares, moi j'bide l'ambiance, j'fais danser même ceux qui manquent confiance. Pas de sourire fake ni de vibe molle, c'est Riders, quelle ambiance brune sans bol. Série Netflix. Plus tu restes, plus tu sors plus. Et là, t'es cuit. Turn it up, burn it down. No escape when I'm in town. From the bass to your screen, write a skill, brain singing. Coupé. Mais toi, t'es toujours là.